Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vînt la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité.